cours numéro 9. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Amma ba'd. Fala nazal wa lillahil hamd. نقرأ هذه الرسالة النافعة لهذا الإمام رحمة الله عليه الإمام ابن القيم. وصلنا نعم إلى هذا الفصل النفيس. On arrive à ce chapitre. وابن القيم رحمة الله عليه ذكر ستة أمور. Six points qu'on a étudiés ensemble dans le درس précédent. Et ces six points sont très très importants. كما قال رحمة الله عليه فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها. Plus l'insan il va appliquer ces six points et avant de les appliquer il va les comprendre, فبإذن الله عز وجل حاله il va être أحسن. Et plus il s'éloigne de ces points que l'imam ibn al-Qayyim رحمة الله عليه il a cité هنا, plus son hal il sera sayyi radi ayyadan billah. Le premier point qala ma'rifatu ash-shay' an-nafi', donc connaître, savoir c'est quoi qui est utile, profitable pour nous. Le deuxième point ma'rifatu at-tariq al-munsilatu ila dhalik, ay connaître le chemin qui va nous guider, qui va nous emmener à ce profit, à cette chose bénéfique. Troisième point سلوك تلك الطريق emprunter ce chemin. لأن كم من الناس يعرفون الخير بل يعرفون الطريق إلى هذا الخير et ils l'empruntent pas يد بالله لأن التوفيق c'est بيد الله عز وجل. ثم il a cité quatrième point et c'est le contraire des trois premiers points et les trois suivants معرفة الضار, connaître les choses qui sont nuisibles, qui font du mal. ثم قال معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. Connaître les chemins qui emmènent à cette mauvaise chose, à cette chose nuisible. ثم le dernier point تجنب سلوكها, s'écarter de ce chemin. هذا c'est مهم. كم من الناس ils tombent في الشر et ils tombent dans des choses nuisibles qui leur font du mal, إما eux, إما leur famille, إما leur bien, إما leur dîme. لماذا؟ لأنهم ils ont ignoré cette chose qui leur faisait du mal. ثم ils sont tombés dans cette chose et ça leur a fait beaucoup de mal. فسي سيبوان في الحقيقة من حققها فبإذن الله عز وجل يسرع على خير. ثم قال وهو لا يمكنه تركها. هذا on l'a lu لكن on relit pour pouvoir continuer. وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين. لكن pour pouvoir emprunter ce chemin, le chemin du bien, et délaisser le chemin du mal, ابن القيم رحمة الله عليه te donne la solution. Deux choses. إما حب متعلق, لأن celui qui aime le خير, celui qui aime Allah سبحانه وتعالى محبة حقيقية, ça va être très simple pour lui d'appliquer. لماذا؟ لأنه il adore Allah subhanahu wa ta'ala bimahabba. Et son but c'est de se rapprocher il Allah subhanahu wa ta'ala al-karim. وَإِمَّا فَرَقٌ مُزْعِجٌ. الفرق قال في الحاشية أي خوف. الفرق c'est le خوف. أي si la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala بإذن الله عز وجل il va s'écarter de hada shay. Fa imma hub qui va le rapprocher, imma khawf qui va l'écarter. Wal mu'min at-taqi as-salih ya'budu Allah 'azza wa jalla bayna al-khawf wa ar-raja, ay bayna al-khawf wa ar-raja, bayna al-khawf wa al-mahabba. Fa al-khawf ça lui permet de s'écarter des ma'asi, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, et al-mahabba ça l'encourage, ça le motive. Il espère la récompense et il adore Allah subhanahu wa ta'ala bimahabba, ça lui facilite de faire les obligations belles les nawafil كذلك, et les adorations recommandées, et كذلك ça lui facilite à délaisser al-haram. لماذا؟ لأنه يخاف الله عز وجل. فإما حب متعلق وإما فرق مزعج. أي ما تتعي هذا أكثر رحمة الله عليه. فنقرأ كلامه وبالله التوفيق. قال فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات. هذه الشهوة أي cette passion, cette envie qui écarte l'abd de Allah subhanahu wa ta'ala et de son agrément, c'est quelque chose de haram. Shahwa. Wa ta'lamuna anna al-insan il est attiré par ces choses. Enfin, celui qui fait passer mahabbatu Allah subhanahu wa ta'ala et كذلك mahabbatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, كذلك darul akhira, il n'oublie pas la récompense. Et il n'oublie pas un ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé à partir de rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité. Enfin, tout ça, ça lui permet de délaisser cette shahwa. Limadha? Li'annahu, il fait passer mahabbatullah avant. Enfin, matalan, notre nefs, elle aime certaines choses, des choses haram. Matalan, l'homme, sa nature, annahu yamil ila nisa. Et an-nisa kadhalik. Elles ont un penchant vers les hommes. Hakada Allah, il a créé l'homme et la femme. شهوة والنفس أمارة بالسوء. ton nefs elle te pousse à tomber dans ce haram. et الشيطان وجنوده كذلك. لكن la solution qui te donne Ibn al-Qayyim رحمه الله عليه c'est de faire des efforts في تحقيق محبة الله عز وجل et محبة هذا الدين et connaître ton دين. فالسلوي qui connaît Allah سبحانه وتعالى il connaît دين الله عز وجل, il reconnaît les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala alayh, il va faire passer dinullah wa sunnat rasulihi sallallahu alayhi wa sallam et dar al-akhira, et la demeure de l'au-delà, tout ça il va le faire passer avant cette shahwa. Qala fayakun Allah wa rasuluhu wa dar al-akhiratu wal jannatu wa na'imuha ahabbu ilayhi min hadhihi shahawat. Pourquoi? لأنه إلى أن محبة حقيقية. et on précise هنا محبة حقيقية. لأن كم من الناس يدعون محبة الله وأنهم يحبون الله عز وجل. et في الحقيقة c'est pas une محبة أي qui est citée في القرآن والسنة. aimer Allah سبحانه وتعالى et son messager, ça veut pas dire en apparence فقط. بعضهم مثلا il manifeste son amour d'Allah عز وجل en accrochant le nom d'Allah chez lui, ou dans sa voiture, ou en accrochant des versets du Coran sur le mur. Tout ça, ça ne suffit pas. La belle, c'est pas mashrou'. Accrocher le Coran, le Karim, sur les murs, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, il n'a pas été révélé pour cela. فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Le Coran, il a été révélé pour qu'on médite, qu'on l'apprenne, qu'on applique. On patiente à la hada tariq. Amma l'accrocher, thumma le khalif, hada, fil haqiqa, c'est pas une mahabba haqiqiya lillah. Qad yaqul qa'il, fa comment savoir si on aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah nous aime? On revient au Coran. Qala Allahu azza wa jal, qul, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Tu as la réponse dans ce verset. Qul, ayya Muhammad, dis-leur, in kuntum tuhibbun Allah, si vous aimez vraiment Allah, qu'est-ce qu'on doit faire? Qala azza wa jal, fattabi'uni. Ay, suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yuhibbukum Allah, Allah il vous aimera. Tout ça, ça nous montre que hadhihi al-mahabba qui est cité هنا, c'est suivre le Coran, suivre la sunna, se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'écarter des bid'a, s'écarter des khurafat, s'écarter du shirk, s'écarter du kufr. S'écarter des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas leur ressembler. Si on prend faqat le point de l'habillement, les vêtements, celui qui aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il va tout faire pour ressembler au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, celui qui ne fait pas d'effort dans son habillement, bel il ressemble aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il trouve une raha, bel il aime cette chose, il s'habille comme eux. Vous avez vu l'an al-musriba que les jeunes ils vivent, shabab, هذه الأمة. أنهم les coiffures qu'ils ont, les vêtements qu'ils ont, بعضهم ربما tu le vois, ما تدري, est-ce que c'est un musulman أم لا? Si il te passe le salam, il a akhiri, il te parle, tu sais que c'est un musulman, إلا أحيانا tu fais aucune différence. Pourquoi? لأن l'apparence, c'est pas une apparence de musulman. فأين محبة الله ومحبة الرسول? Celui qui aime un être, une autre personne, il fera tout pour lui ressembler. C'est pour ça que le mu'min al-salih, il fait tout pour ressembler au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal-mar'atu al-salih, elle fait tout pour appliquer les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a ordonné de mettre le hijab, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kadhalik, elle fait tout pour appliquer et se rapprocher d'Allah. Et c'est ça le muhabba. Un wahid, il fait ce qu'il veut. Il n'applique pas le Coran, il n'applique pas le sunnah. Thumma, il prétend aimer Allah. فكم من الناس يبخطن أمي الله اليهود والنصارى يبخطن أمي الله أنهم سأحباء الله أنهم سأو لبابل إلو سأو كالله إلام alors qu'ils sont في النار c'est des كفرة. قال ابن القيم رحمة الله عليه ويعلم أي المؤمن أنه لا يمكنه الجمع بينهما il peut pas rassembler les deux إما يقدم محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إما يسوي ses passions il peut pas rassembler les deux فالمؤمن الآن il a un choix à faire il est obligé de suivre le prophète محمد صلى الله عليه وسلم et se soumettre à Allah et faire passer محبة الله avant les choses حرام avant les شهوات قال ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما فيؤثر قال فيؤثر على المحبوبين على أدناهما. T'as deux محبوب الآن. مثلا un homme il peut être attiré par une femme qui ne lui est pas halal et Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit هذا. Son nafs elle pousse à faire ce haram, son nafs elle aime cette shahwa et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit هذا. فالآن il a deux cas. إما il se soumet à Allah لأنه لم الله سبحانه وتعالى إما يسوي son نفس أي في سحرام دو محبة قال ابن القيم رحمة الله عليه فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما يفي باسي محبة الله أفضل pourquoi لأن الله celui qui l'a créé لأن الله عز وجل il l'interrogera il aura des comptes à rendre أن عذاب الله il est شديد فتو ça le مسلم العاقل يغفلشي ميدير لا شك أنه يشوزي محبة الله قال وإما أن يحصل له علم صح ونفني avec المحبة قوله رحمة الله عليه إما حب متعلق ابن القيم رحمة الله عليه il nous a donné أو il a détaillé قليلا فقرأنا ولله الحمد ثم il explique قوله رحمة الله عليه وإما فرق مزعج أي خوف قال وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى دو شوز كذلك si on garde le même exemple qu'on a cité précédemment ربما délaisser le haram dans certains cas ça fait du mal à cet homme يتألم إلى آخر il aurait envie مثلا de faire cette chose il y a un alam et ربما il y a une souffrance قال يترتب على إثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى لكن celui qui médite sur les versets du Coran où Allah سبحانه وتعالى il cite النار il cite العذاب ولا شك أن الألم يوم القيامة il est beaucoup plus grand la souffrance elle est incomparable فلهذا قال عز وجل ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى le châtiment d'Allah سبحانه وتعالى il est plus dur وأبقى et il dure أما هذا الشيء tu patientes خاصة au départ فإذا تعودت النفس الإنسان يبخل الابتود الحمد لله tu ressens plus de gêne de douleur et tu délaisses هذا et ton قلب il est منشرح أي ترتاح قال ابن القيم رحمة الله عليه: فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره. فسيلا سي دو شوز، محبة لله قوية وخوف، فبإذن الله عز وجل يسوغا صوبي. كومون فيغ بوغ أبوغ سي دو شوز؟ افيك العلم، افيك الدعاء، كذلك أن فيزون باسي لي بريوريتي. On a des priorités. علم العقيدة، علم التوحيد، connaître الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته عز وجل. Ne pas perdre son temps dans des futilités, ne pas perdre son temps dans des ulum qui n'ont pas une importance comme علم التوحيد والعقيدة. Et bien sûr les ulum qui nous aident à comprendre القرآن والسنة العقيدة كالعربية etc. فالمؤمن fait des efforts في هذا. Bien sûr, avec l'ikhlas, avec du'a, Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiquhu et il guide son cœur. قال وتقديمه على ما سواه فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلى من أعلاهما. نعم. ففي الخوف نحن في الحقيقة on avait donné un exemple. Et Huna Ibn Qayyim rahmatullah alayhi, ce qu'il voulait démontrer, si tu fais le haram, فربما le alam, et ça revient à ce qu'on a dit. Lakin, pour être précis dans sa ibara, si tu fais le haram, le alam, les regrets, et comme on a dit, comme conséquence, les châtiments, ça sera beaucoup plus douloureux que si tu délaisses l'Illah. Si tu délaisses l'Illah, même si au départ il y a une gêne, falhamdulillah, la gêne et le mal qui ont pour conséquence de tomber dans le haram, ils sont beaucoup plus grands. Et ça revient à ce qu'on a dit, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. قَالَ وَبِهَذَا الْأَصْلِ تَعْرِفُ عُقُولَ النَّاسِ وَتُمَيِّزُ بَيْنَ الْعَاقِلِ وَغَيْرِهِ. Tu veux savoir, est-ce que l'insan, il est à la khair? Est-ce que l'insan, il a un aql salim? Il est à la fitra? Il est à la khair? Par rapport à ces deux points. Le bien, est-ce qu'il le connaît? Est-ce qu'il l'applique? Le mal, est-ce qu'il le connaît? Est-ce qu'il s'en écarte? فَلَا تَغْتَرْ بِمَنْ يُخَالِفْ أَوَامِرَ اللَّهِ وَشَرْعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. لَا تَغْتَرْ. Ne sois pas étonné, ne sois pas impressionné. Celui qui ne fait pas des efforts dans son dîn et celui qui ne connaît pas le bien et qui ne l'applique pas, ou il ne connaît pas le mal et il l'applique. هؤلاء, ils sont في شر et ils sont à la خطر عظيم. قال رحمة الله عليه ويظهر تفاوتهم في العقول فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة إنما هي كأضغاط أحلام أو كطيف تمتع به من زائره. نعم. قال في الحاشية في الأصل من زاره إسس الصواب أما زائره هنا c'est pas munasib avec la jumla. قال أو كطيف تمتع به من زاره في المنام على لذة هي أعظم اللذات. تأمل هذا الكلام. ابن القيم رحمة الله عليه يقول فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة. في الحقيقة ابن القيم son كلام هنا il est قوي, il est جميل. Aïna l'aql, elle est où la raison de celui qui fait passer l'adhatun, un plaisir, Robama c'est quelques minutes, quelques heures, summa, iyadan billah, à cause de ce plaisir, à cause de cette shahwa, à cause de cette passion, Robama il s'égare, Robama il est châtié, un châtiment douloureux. Al-aql, al-haqiqa, si il réfléchit l'un, si tu lui dis, mathalan, wahed qui veut faire une ma'asiyah, si on lui dit, si tu fais ce péché, tu vas aller en prison, mathalan, 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce qu'il va le faire? Abadan. Abadan, mathalan, profiter une heure dans un haram, sans risquer 5 ans, 10 ans de prison, là, il va te laisser. Il va te laisser, il va dire là. Ça vaut pas le coup. Al-an, wahed, si tu lui dis, si tu fais cette chose, farubama, tu es enfermé dans une pièce. C'est encore plus grave que la prison. Tu es enfermé dans une pièce et dans cette pièce, on va allumer le feu. Si tu fais cette chose, c'est sûr. Si tu l'as fait, tu vas dans cette pièce et cette pièce, tu seras enfermé, ayadam billah, et cette pièce, elle sera remplie de feu. Est-ce qu'il va faire cette chose? Abadan. Si tu médites les versets du Coran, c'est exactement le châtiment que Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé ceux qui ne suivent pas le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Bel, c'est un adab a'zam et ashad, wa l'adabu rabbika, Mais la prison, quelques années, où l'insan il sort. Et Rabbama, s'il se fait châtier, fait ad-dunya, la douleur, elle s'arrête. Lakin fil akhira, c'est incomparable. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, te montre qu'il y a celui qui, malgré cela, il continue à faire des péchés. Fil haqiqa, il a un problème dans son aql. Et il a un problème dans son din. Lakin, cet exemple, il est tayyib, l'imad, on peut se poser la question, mais pourquoi on lit, nous, le Coran, walillahi alhamd. Kathir min al-muslimin, ils lisent le Coran. Et on sait que si on fait telle chose, on peut être châtié. Malgré cela, on a des faiblesses et on fait. Pourquoi? Les anna, on n'a pas vu le nar. Tout ce qu'on a l'an, c'est des informations. Enfin, celui qui est qawif l'iman, il a une foi forte. Et il est sûr, quand il lit le Coran, que ça va se passer, ça va l'écarter. Lakin, ahyanan, nous lit, lakin, on fait quand même. Pourquoi les anna, on a une faiblesse fil iman? C'est pour ça que darajatul ihsan, c'est le plus haut degré. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué en disant ta'budallah ka annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Adorer Allah, c'est comme s'il nous voyait. Si on ne le voit pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit. Et darajatul ihsan, c'est le plus haut degré fil iman. Nous, on doit faire des efforts fi hada. Et si on a une faiblesse et on a fait un haram et on a fait tawba, on a refait ce haram, on ne désespère pas. On continue. Aham Shay, c'est de faire des efforts pour arriver à ce niveau. Et ne pas tomber dans la shubha que Iblis il a propagé. Fi kathir min al-nas, anna Allah il ghafur rahim. Ma balouk, celui qui a cette fikra, il pense à hakada. Il fait un péché, il dit c'est pas grave, Allah il est ghafur, il est rahim. La shakanahu, ayyadam billah, rubbama, il va faire des péchés hatta yamoud. Lakin celui qui réfléchit comme bayyana huna l'imam ibn al-Qayyim, et l'exemple qu'on a cité, fa insha'Allah ta'ala, ça va le freiner et il va réfléchir, et en faisant des efforts et avec dua, il sera à l'khir. Qala ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, fa aynu aqlu man athara laddatin ajilatin munaghasatin. Ta'amal l'ouas, al-laddha, c'est un plaisir. C'est quelque chose, maintenant on dit, ce fruit il est ladid, et il a un bon goût, c'est ça al-laddha. Quelque chose qui a du goût, le plaisir. Fa'ayna aql, celui qui fait passer une ladha, aajila, qui ne dure pas. Qala munaghasatin munakkida. Qala innama hiya ka adghathi ahlam. Ay, c'est comme un rêve, fil haqiqa. Ceux qui font du haram, mathalan, il a fait ce dhanb aujourd'hui, ayyadan billah, il est tombé dans zina. Demain, le plaisir, ayyadan billah, qu'il a eu fil haram, c'est fini. Ça reste comme un rêve. Qu'est-ce qui lui reste? Les regrets. Qu'est-ce qui lui reste? C'est écrit dans son kitab. Les anges, ils ont tout noté. Ça reste. Obligé de faire tauba. Et obligé de regretter. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala y'a tauba alayhi. Qala ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi ka adghathi ahlam. Sahih, al-haram, ça dure pas. Comme les gens, ils ont fait du haram. Et l'un, probablement tu lui demandes, il ne se rappelle même plus. Ça dure pas. Ce qui dure, c'est quoi? C'est Al-Jannah. فَلِهَذَا الْمُؤْمِنِ il se prive فِي هَذِي الدُّنْيَا لِأَنَّا c'est des choses futiles, ça dure pas. Et بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ il aura la récompense éternelle qui dure. Et il profitera. Amma, cette dunya, c'est pas pour profiter. Cette dunya, c'est une épreuve. فَحْذَرْ cette dunya, c'est comme un examen. Est-ce que tu vas réussir, Amla? Enfin, ne te laisse pas aller, أخي الكريم. قال أو كطيف تمتع به من زاره في المنام. أحيانا dans des rêves tu vois que tu fais certaines choses, tu manges telle chose, tu profites de telle chose, tu te réveilles, en fait il y a rien. Le haram c'est la même chose, c'est d'aucune utilité. قال وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي خشيت بالآلام. Ibn al-Qayyim il fait toujours cette comparaison pour montrer est-ce que l'insan il a la raison ou pas.

il aura honte de lui-même. قال ابن القيم رحمة الله عليه لا استحيا من نفسه وعقله. نعم لأن c'est pas من تصرفات العقلاء. العقلاء ceux qui ont la raison ils agissent pas هكذا. Rappelez-vous des points qu'on a cités, les six points. Le bien, on doit le connaître, on doit connaître son chemin, on l'applique. Le mal, on doit connaître son chemin, on doit s'en écarter. فالعقل il réfléchit هكذا. قال كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغالها بها فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأمل هذا. كيف الإنسان va délaisser ce qui lui est utile pour quelque chose qui lui est pas utile. بل ابن القيم il va plus loin, il dit كيف il va délaisser quelque chose d'éphémère et il va délaisser الجنة que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a qualifié par هذا الحديث العظيم. Et il a cité في الحاشية أنه il est في الصحيحي. فيها ما لا عين رأت. Tu ne peux pas t'imaginer. Il y a des choses في الجنة aucun œil, un d'être humain a vu. قال ولا أذن سمعت. Ce qu'aucune oreille n'a entendu. ولا خطر على قلب بشر. حتى ce que on peut penser dans notre cœur, s'imaginer avec notre cœur, enfin, on ne peut pas. فَالْجَنَّةَ مَنْزِلَتُهَا أَلَيْ عَظِيمَ عِنْدَ اللَّهِ. Enfin, on n'a pas le droit de délaisser هذا الخير pour quelque chose qui nous fait du mal في الدنيا et عِيَادًا بِاللَّهِ qui peut nous faire du mal في الآخرة. Et l'insan, كذلك, il n'oublie pas, tout ça c'est enregistré. C'est مكتوب عند الله سبحانه وتعالى أي الحسنات والسيئات. Enfin, quand on a cité, quand on a lu la parole de Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, anna ses plaisirs, arubama c'est comme un rêve. قال كأضغاث أحلام. لا تنسى أن ça serait comme un rêve. لا بأس. لكن n'oublie pas أن tout est enregistré et عند الله سبحانه وتعالى. Les anges, ils écrivent tout. قال عز وجل ووضع الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه. يوم القيامة chacun il verra son kitab. Et Allah subhanahu wa ta'ala il qualifie hal al-mujrimin. Al-mujrim c'est celui qui n'a pas obéi Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya. C'est un mujrim, c'est ça le mujrim al-haqiqi. قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. أي ils vont être déçus, ils vont regretter. لماذا لأن ce kitab tout est inscrit. Ces plaisirs qui prenaient, ces shahawat qui suivaient, ce haram qui ne délaissait pas, tout ça c'est écrit. فَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلُ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. Malheur à nous, c'est quoi ce kitab? قَالَ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. أي شك chose, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, toute chose est, elle est inscrite fi hadha al-kitab. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Falihada ils vont dire ya waylatana, malheur à nous. Aina al-mafar fi hadha al-hal? Aina yadhhab al-insan? Ce kitab il est en face de toi, c'est une hujja contre toi. Bal Allah subhanahu wa ta'ala akhbara fi al-Qur'an al-Karim anna les propres membres de l'insan tashhad alayh. Ses mains, ses jambes tashhad alayh. Annahu il a fait kada wa kada wa kada. Aina yadhhab al-insan? Celui qui réfléchit à kada, pour l'instant qu'on est en vie, alhamdulillah, c'est une force tayyiba. Anna on fait attention. Avant d'arriver à cette étape. Et anna on arrivera tous à cette étape. Kullu nafsin dha'iqatul maut. On sera tous interrogés. وقفوهم إنهم مسؤولون. Tout le monde. وقفوهم. Arrêtez-les. إنهم مسؤولون. Ils vont être interrogés. وفي الحديث ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. Chacun de vous, Allah subhanahu wa ta'ala, lui parlera. Il sera interrogé. فالعاقل. Il réfléchit الآن. قال ابن القيم رحمة الله عليه ويضيع زمانه في اشتغاله بها. أي perdre son temps في هذا. Et à la fin c'est des regrets. À la fin c'est du haram. À la fin c'est des mauvaises choses fi dunya qabla al-akhirah. Qala fadlan an itharaha ala ma la ayn ra'at ila akhirah. Qala wa qad ishtara subhanahu min al-mu'minina anfusahum wa ja'ala thamanaha jannatan وأجرى هذا العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. فتأمل سميتال، قال ابن القيم وجعل ثمنها جنته. والمحقق في الحاشية إلى ستة الفرسين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين، أي سأنشى. فلهذا قال ابن القيم وجعل ثمنها جنته، وأجر على هذا العقد على وأجر هذا العقد على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا البيع، أي cette vente. Réfléchis bien. السلعة، la marchandise، c'est ton nafs était bien. C'est ça la marchandise. الله سبحانه وتعالى اشترى منك ton nafs était bien. فتو les a vendu. المشتري، celui qui a acheté، c'est الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين. الثمن، le prix. أي أنت tu as vendu ces choses. Et quand tu vends, il y a un prix. Il y a un prix. C'est quoi ton prix, ta demande? الجنة. قال عز وجل بأن لهم الجنة. الذي أجرى العقد. Une vente en général, il y a quelqu'un pour faire العقد. Un contrat. أنه تأشتري تلك المزون، أنه تأشتري تلك الفواتير. فسي كي هنا؟ سي لو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. هذه سي أفضل تجارة que tu puisses faire أخي الكريم. فne te prive pas. Et tu n'as pas le choix في هذا. T'es obligé de te soumettre. لأن ce corps c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Il appartient à Allah. Il t'appartient pas à أنت. Et Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut. لكن تفضل من. Et Allah c'est le ghafour, c'est le rahim, c'est le kerim. Il achète mink. Ton nefs était bien alors qu'il lui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. لكن pour que tu fasses des causes, tu sois reconnaissant. Et Allah subhanahu wa ta'ala il te donne al-jannah en échange. قال ابن القيم رحمة الله عليه فالسلعة رب السماوات والأرض مشتريها والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم والسماع كلامه منه في داره ثمنها. Donc cette سلعة أي cette marchandise ton nafs était bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'achète. Le prix والمتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم والسماع كلامه منه في داره ثمنها. الجنة في الجنة تقدم معنا الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك المؤمنون في الجنة يذرون الله سبحانه وتعالى يزنتندرون الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة المسلم اللي قال et le perdant c'est celui عياذا بالله qui se soumet pas à الله عز وجل et qui obéit pas à son prophète صلى الله عليه وسلم. قال ومن جرى على يده العقد رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس. Est-ce que l'aqil va échanger cette tijara? On te propose un tes biens et ton nafs, ton corps, tu les vends à Allah subhanahu wa ta'ala pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais des efforts et si tu patientes jusqu'à que tu meurs à هذا الحال بإذن الله عز وجل tu as le jannah éternellement. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Tu profites et tu as ce que tu veux. Ça c'est la première vente. واحد لا il préfère vendre son nafs عياذا بالله الشيطان à son nafs et il suit ses passions et il ne fait aucun effort عياذا بالله بثمن بخس كما قال ابن القيم أي avec un prix عياذا بالله ça vaut rien. Qu'est-ce qui va profiter l'insan? Il va profiter 10 ans, 20 ans, 30 ans. Avec bien sûr des maladies, avec des souffrances, avec des regrets. Si on prend l'un, comme a dit le hadith, celui qui a le plus profité fi dunya. واحد fi dunya la shak anna celui qui a le plus profité. يوم القيامة cette personne qui a le plus profité fi dunya. Robama il a une longue durée de vie, robama il n'est pas tombé malade, robama il a profité des shahawat haram عياذا بالله. يوم القيامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسوغى ترمبي لحظة في النار لحظة أمومو يسوغى ترمبي في النار فيقال له est-ce que tu as déjà profité de quelque chose؟ يقول لا أبدا j'ai jamais profité de quelque chose لأن cet instant في النار il a tout oublié. وفي المقابل un autre أنه c'est celui qui a le plus souffert في الدنيا Lakin, c'est un mu'min. Lakin, il a été éprouvé dans ses biens, dans sa santé, dans beaucoup de choses, par les ennemis d'Allah Azza wa Jal. Enfin, il n'a pas beaucoup profité fi dunya. Lakin, il a patienté. Et fi l'akhira, il a profité. Fi ibadatillah. Et il était firaha. Lakin, on parle min hayth, les profits, le matériel, etc. Il sera trempé, morratan wahida, lahadha fi l'jannah. Thumma yuqalu lah. Est-ce que tu as déjà souffert? Yaqulu la abadan. J'ai jamais souffert. C'est ça, al-mizan al-haqiqi. Fahdhar min fitnat al-dunya. Ihdhar min al-shaytan wa min junud al-shaytan. Ils font tout pour qu'on profite de cette dunya. Ils veulent qu'on fasse comme eux. Iyadan billah. Qala, kayfa yaliqu bil-aqil an yudayyi'aha wa yuhmilaha wa yabi'aha bithamanin bakhs. فدائما انت اخي الكريم on se rappelle de هذا ان cette dunya c'est comme un échange, c'est comme une vente, c'est comme une tijara que tu es en train de faire. Fais cette tijara avec Rabbul Alamin Al-Ghafur Al-Rahim. Fais attention de ne pas faire cette tijara, cette vente avec Iblis ou Junud Iblis qui n'ont aucune rahma pour toi. قال في دار زائلة مضمحلة ثانية. Et cette vente, la deuxième, عياذا بالله, même si on te donne toute dunya et tu dois délaisser ton din, wallahi que tu seras perdant. Liana, ça ne restera pas. Comme Minanas, ils ont réussi à arriver à un certain niveau. Ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont eu des maisons, ils ont eu. Ça a duré un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Ba'dhum, comme vous savez, Obama, il se suicide. Des célébrités, ils ont atteint un haut niveau filmateur, etc. À la fin, c'est quoi la fin? Ils se suicident. Même s'il ne se suicide pas, il mourra. Enfin, il va profiter comme 30 ans, 40, 50, 60, 100 ans maximum. Thumma al-qabr. Thumma al-hashr. La résurrection. Thumma al-hisab. Et après al-hisab, fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Qala wa hal hadha illa min a'zam al-ghabn. وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن. الغبن c'est la perte. عياذا بالله. Celui qui vend son âme, qui vend ses biens à Shaytan et à Dunya, voilà chacun d'entre eux il sera perdant. Lakin c'est quand qu'il se rendra compte? يوم التغابن. Et في القرآن الكريم سورة التغابن. Et Allah سبحانه وتعالى استحى هؤلاء. قال إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. يوم القيامة ça sera plus une histoire d'argent ou une histoire de rang social ou une histoire de passeport. Tu peux rentrer dans ce pays, tu ne peux pas, tu as de l'argent ou tu n'as pas d'argent. C'est ça le mizan الآن في الدنيا عند كثير من الناس. Il regarde pas الصلاح والتقوى والعلم. يوم القيامة الميزان ça sera pour peser. Al-hasanat wa sayyiat. Il n'y a plus de passeport, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de connaissances, tout ça, il n'y a pas fil jannah. Il n'y a pas yawm al-qiyamah. C'est bil-hasanat wa sayyiat. Faman thaqulat mawazinuhu, fahuwa fi 'eeshatin radiyah. Waman khaffat mawazinuhu, fa ummuhu hawiyah. Wama adraka ma hiya, narun hamiyah. Yawm al-qiyamah, c'est hada, celui qui aura beaucoup de hasanat, tawhidun, صلاة صيام حج هجرة علم صبر أخلاق متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو في عيشة راضية. تأمل قوله عز وجل فهو في عيشة راضية. Il sera satisfait. Allah est satisfait de lui et lui sera satisfait. Et l'autre عيادا بالله فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أي فمن خفت موازينه celui qui aura mizan خفيف pas d'a'mal, ou peu, kufr, shirk, ila akhiri, iyadam billah, fahada, ça sera quoi son refuge? Narun hamiya. Un nar, le feu, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié ce feu, hamiya. Alors que le feu, c'est brûlant, lakin, huna, il est qualifié de hamiya, c'est un adab shadid. Et dans l'autre verset, qala azza wa jal, wal waznu yawma idhin lil haq, فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. تأمل قوله عز وجل والوزن يومئذ الحق. أي ce jour-là le wazn ça sera bihaq, bi'adl. n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de mensonge. C'est bihaq. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Tu veux réussir, fais des efforts pour que Al-Mizan y penche du côté des hasanat. Comment faire? Sincérité, sois sincère et suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour être sincère et pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois faire des efforts fil ilm. Enfin, tu as trois choses. Ilmun, fais des efforts. Bien sûr, sincérité, fais pas ça pour les gens. Et applique sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce que tu apprends, applique-le. Bi'idnillahi azza wa jal, tu feras partie de ha'ula. Fa'ula'ika hum al-muflihun. Thumma qala azza wa jal, wa man khaffat mawazinuh. C'était pas un musulman, rubbama. Son mizan, il ne trouvera rien yawm al-qiyama. قال فمن خفت ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم سسوع lui le perdant. أما الله سبحانه وتعالى il a pas besoin de ses أعمال. الله c'est le غني, c'est le حي, c'est le قيوم, c'est الأحد, c'est الصمد, il a besoin de personne, بل c'est المخلوق qui a besoin d'Allah عز وجل. فلهذا قال هنا عز وجل فأولئك الذين خسروا أنفسهم, ils se sont conduits eux-mêmes à leur perte, ils ont tout perdu. قال بما كانوا بآياتنا يظلمون الظلمة. Ils n'ont pas accepté le haq. Ils n'ont pas voulu se soumettre à Allah Azza wa Jalla. Ils n'ont pas voulu unifier Allah subhanahu wa ta'ala fil ibadah et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam wahda. فلهذا قال عز وجل بما كانوا بآياتنا يظلمون الظلمة. بعضهم عياذا بالله الآن ils se moquent du dîn. بعضهم الآن يسموك de ceux qui appliquent الدين. بعضهم الآن عيادا بالله ظلم. Ils mettent pas les choses à leur place. Ils adorent autre qu'Allah. Ils suivent autre que le prophète صلى الله عليه وسلم. Ils aiment des idoles en dehors d'Allah عز وجل. هؤلاء يوم القيامة ils seront perdus et ils auront, ça sera eux-mêmes عيادا بالله qui se sont conduits à leur perte. أي eux-mêmes عيادا بالله. قال ابن القيم رحمة الله عليه وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن. فائدة عظيمة هنا أن أبلي با سجور لأن si tu te rappelles de ce jour بإذن الله عز وجل tu te corrigeras الآن. أما يوم القيامة c'est trop tard. يوم القيامة c'est دار جزاء حساب. الميزان sera placé et tout le monde sera interrogé et les œuvres elles seront pesées. Il n'y a plus de moment pour faire l'amal. Là, c'est fini. L'amal, ça s'arrête après la mort. Sauf dans certains cas, bien sûr, comme il y a dans le hadith Anas, radiyallahu anhu. Waladun salih yad'u la sadaqatun jariya ou ilmun. Il a délaissé un ilm, les gens y profitent. Wa illa, ça s'arrête. Celui qui se rappelle de yawm al-qiyama, c'est nafi' jidda. Kun fi dunya ka annaka gharib. Cette dunya, c'est comme si tu étais un voyageur. Wa ibn Umar, radiyallahu anhu, après avoir rapporté le hadith, il a rajouté. فإذا كنت في الصباح فلا تنتظر المساء. Si tu es au matin, n'attends pas le soir. تأمنوا cette نصيحة الذهبية de ce sahabi رضي الله عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit كن في الدنيا كأنك غريب. Sois dans cette dunya comme si tu étais un étranger. Ibn Umar رضي الله عنه il a rajouté si tu es le matin, tu es arrivé le matin, n'attends pas le soir. N'attends pas. ما تدري, tu ne sais pas. فالسلوي كي a cette عقيده أنه il peut mourir à tout moment. Et كذلك il pense à Yawm al-Taghabun. Il pense au jour des comptes. Ces deux choses, la mort, et il pense qu'Annahu il sera ressuscité, il a akhiré, ça va l'aider jidda. Il saura que cette dunya faniya. Fala yafrah biha. La. Tafrah bid-din, tafrah bil-ilm. Amma cette dunya, comme minan nas, ils ont beaucoup d'argent, il a akhiré, et Allah subhanahu wa ta'ala yubghidhuhum, c'est des kafara. قال إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. C'est quoi qui va alourdir cette balance? التقوى. لا غير. C'est pas la force, c'est pas le poids, c'est pas la famille, c'est pas les enfants. أبدا. C'est pas ta nationalité, c'est pas ta couleur. Ce qui va alourdir la balance, c'est التقوى. Et التقوى, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala bi'ilm, en suivant la sunnah, et s'écarter des ma'asi. Par crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le taqwa. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala min fadlih. Wa naktafi bihada al-qadr. Wa alhamdulillah.